imaginer. Washington et Moscow. Les personnes sont mortes alors que la visite... Confrontée à des violences sans... La fédération majoritaire le répète, elle ne bougera pas sans l'assurance de pouvoir débattre du cœur de la réforme. Des éléments précisément non négociables pour l'exécutif. Si le fil du dialogue n'est pas rompu, c'est bien un dialogue de sourds. Contrôler les radios, nous allons les prendre pour des idiots. Qu'ils se comportent comme des moutons. Que nous soyons à l'aise pour jouer le rôle des matons. Qu'ils viennent nous demander pardon. Nous garderons les rênes, nous contrôlons l'information. Mais pour durer en politique, chers collaborateurs, n'oubliez jamais qu'avant tout il faut leur faire peur. Placer des bombes ci et là pour effrayer la foule. Et nous verrons qui est là pour éloigner la foudre. Nous chasserons les barbares et les fous qui ne croient pas que la démocratie capitaliste est une fin en soi. Nous voulons un monde meilleur, décrocher les wagons pour ne garder que les meilleurs. Mais si vous n'en êtes pas, allez voir ailleurs. Comptez sur vos écrans pour vous le rappeler d'ailleurs. Chercheurs avérés, mais ne nous prenez pas non plus pour les derniers des teubés. Nous sommes convaincus que tout reste à prouver. Si l'équilibre existe, nous allons le trouver. Avec ou contre vous, mais vous devrez compter avec nous. Car à nous prendre pour des fous, vous allez briser vos genoux. À chacun sa conception des choses. La mienne est si différente de la vôtre. Je crois que tout nous oppose. Dialogue de sourds. On entend comme un bruit qui court. Ce n'est pas la haine, je l'assure, ni la revanche qui nous anime. Mais à vos frasques grand public, j'oppose une misère anonyme. Et quand les tentes se montent par dizaines sur les quais de la capitale, ne pensez-vous pas que ces hommes aimeraient changer de littoral? Et quand ils dorment dans des cartons, pensez-vous que c'est une farce? Qu'ils jouent à cache-cache et que leur maison est en face? Thank you. mal, ils veulent faire mal.